aux dimensions de l'agence. Ça veut dire, ben oui, le désir, c'est la spontanéité. C'est le premier terme, c'est la spontanéité. C'est la Tout avant destiné l'ancien.